chapitre 8e, où il est question de fantômes. Mon fiancé vint un soir voir mon père avec mystère. J'étais avec lui. Mon cœur battit. Je crus que Marc était sur le point d'arriver à un résultat. Il nous dit seulement « J'ai imaginé de recouvrir d'une couche de sable fin le sol de l'usine. Ce matin, j'ai relevé des traces de pas, toutes fraîches, et des pas de femme. » « Cette découverte peut être fort intéressante, » dit mon père. « Je ne vous demande qu'une chose, c'est d'attendre un peu avant d'en avertir Lucien. » Cette méfiance surprit mon père comme moi-même. Toutefois, il promit de la respecter. Le soir même, j'eus un instant le soupçon, bien à tort, qu'il n'avait pas tenu parole. Mon frère venait d'avoir à son tour un long entretien avec mon père dans son bureau. Puis ils sortirent ensemble dans le jardin. Ils se promenèrent côte à côte en conversant. Ils se turent en passant près de moi. Le mystère était donc bien terrible, puisqu'il voulait me le cacher. Cependant, j'entendis mon père dire à Lucien « C'est convenu. Je vais écrire cette lettre. Je sais que mon oncle s'est occupé de certains événements semblables. La fréquence des accidents de chemin de fer, entre autres, a attiré son attention. Peut-être nous donnera-t-il des conseils, ou nous aidera-t-il du moins de ses lumières. Si tout est écrit, je dirai à Louis de la porter à la gare de Monzy. Il ira avec la charrette anglaise. Cela vaudra mieux que l'auto, n'est-ce pas ?» Lucien fit gravement un signe affirmatif. « Je te demande, dis-je à mon père, la permission d'aller moi-même à Monzy avec la charrette anglaise. Je profiterai de l'occasion pour demander des nouvelles des blessés. « Si tu veux, » répondit-il, « mais sois prudente à cette heure-ci. Il sera bien tard quand tu reviendras. » Une demi-heure après, je conduisais la charrette anglaise. Au croisement de la route qui conduit à Monzy avec celle qui mène à l'usine, une ombre humaine se dressa devant nous en étendant le bras. Je fis halte, un peu trop tard, et Marc dut courir pour nous rattraper. Je lui expliquai où j'allais. « Je vais vous accompagner, » me dit-il avec l'expression d'un contentement extrême. « J'accepte. La course par ce beau soir est délicieuse. » Nous repartîmes. « Savez-vous quelque chose de nouveau ? » demandai-je. Il n'y a rien de nouveau à proprement parler. Les actes de sabotage continuent, voilà tout. Hier encore, des pignons tordus et des accès, des engrenages démis. Les faits se renouvellent et se ressemblent. Les circonstances sont toujours les mêmes. Nous ne pouvons surprendre personne, malgré notre surveillance incessante. Le soir, nous vérifions une machine qui est en bon état. Le matin, elle ne l'est plus, bien que nous ne l'ayons, pour ainsi dire, pas quitté des yeux. Alors, qu'en pensez-vous ? Que l'adversaire est plus adroit que nous, voilà tout. » Marc s'arrêta un instant, puis il ajouta. « Ou que votre frère est moins vigilant que moi. Vous le soupçonnez ? De ne pas veiller aussi strictement. C'est pourtant lui qui a jugé inutile la présence des veilleurs dans cette partie de l'usine que nous surveillons. Il les a écartés, prétendant que les coupables pourraient se trouver parmi eux. Mais depuis quelques jours, il se montre très frappé. Il s'imagine que nous nous trouvons en face d'une force surnaturelle, je ne sais quoi. Et essaie de faire partager sa conviction à votre père. Cela ressemble à une excuse qu'il chercherait à se donner. Je ne crois pas aux fantômes, moi. Vous me donnez le frisson. » Ne vous inquiétez pas, reprit Marc. Nous allions au pas maintenant. L'octroi franchi, il faut traverser un passage à niveau dans la barrière, levée toute droite lorsque la voie est libre, s'abaisse lentement avant le passage des trains. J'ai fait quelquefois ici des pauses interminables lorsque manœuvraient des convois de marchandises. La barrière était ouverte. À peine l'avions-nous franchi que les deux montants métalliques s'abattirent brusquement avec fracas. Le cheval fit un écart, je remarquai. Une seconde plus tôt, nous étions assommés. La garde barrière devait être endormie, et le mécanisme lui a échappé, dit Marc avec philosophie. Je songeais mentalement qu'aucun train n'arrive ni ne part à 7 heures. Dès 8h30, la petite gare est entièrement déserte, livrée au silence et à l'obscurité. En effet, le bruit seul de notre équipage fit retentir les échos de la cour où sommeillent l'après-midi les serreurs de hôtes et les commissionnaires. Marc descendit et mit la lettre à la boîte, dont la levée a lieu 10 minutes avant le départ de chaque train. Nous passâmes à l'hôpital. La concierge nous donna des nouvelles satisfaisantes des 3 blessés qui restaient en traitement. Ils étaient hors de cause, mais l'un d'eux avait dû subir l'amputation de la main droite. Notre retour fut rapide. Le cheval, sentant l'écurie, allongeait l'allure. Marc me dit en me quittant. « Surtout, ne pensez plus aux suppositions saugrenues de votre frère. Elle vous donnera le cauchemar. Il n'y a rien de surnaturel dans les événements de l'usine. Peut-être suis-je sur une piste sérieuse. Oui, sur le sable que je répands, je découvre chaque matin les traces des pas féminins dont je vous ai déjà parlé. Il faut qu'elle soit bien habile, cette femme. N'en parlez toujours pas à Lucien. Je vous le promets. Il m'amuse avec ses suppositions. Si je tenais les saboteurs à portée de mon revolver, à quelque sexe qu'ils appartiennent, nous verrions si les prétendus fantômes sont à l'abri des balles d'un Browning.